Why you throwing salt, man? We undefeated. Je viens de Côte d'Ivoire, comme toi j'ai pleuré quand je suis né, mais je verserai pas une larme quand Malekal viendra montrer ses charmes. Aéroport de CDG, j'ai 3 ans, maman viens me chercher. Immigré, scolarisé, je connais pas un seul mot de français. J'ai peur des blancs, j'ai peur du noir par les croyances du bled hanté. Me parle pas de faire ses devoirs à 8 dans 15 mètres carrés. La daronne a le rôle du daron, deux jobs et des sacrifices. On débarque tous à la roseraie. 1990, je traverse le terrain rouge, vais à Galois. D'instinct, j'esquive les flics. C'est la guerre entre Beu et Renoir, pourtant on vient tous d'Afrique. Y'a ceux qui rêvent des stars du foot, y'a ceux qui disent les schlacs qui shootent. Tiens les murs, mais coûte que coûte pour moi, ce sera la musique. Je rentre de plus en plus tard, la rue est ma seule guide. De toute façon, le frigo est vide, les placards sont remplis de cafards. Grosse embrouille de quartier, en bande organisée. Blessé grave, des GAVCR, j'm'invente pas de CV. Je sais rouler mon joint de shit, je sais tenir le P38. Si je dois protéger l'un des miens, Dieu merci, pas de sang sur les mains. Je repense à NTM, j'rêve de passer à la radio. Béco vend des sachets de bœufs, on paye les séances de studio. 2003 au pays, c'est la guerre en CI. J'produis pour ma Ouma, 43ème Bima. Puis un feat avec Despo, un feat avec Nubisal, un feat avec McGregor. Pour moi, le rap ce sera que du sale. J'enregistre Z2RO, 10 ans d'avance et de la nitro. J'écoute les sons de Chicago, j'suis de Sevran de 7-0. J'écris H24, un jour mon bigot sonne à l'autre bout. Sakuma, on a besoin de ta force pour autopsychiatre. Thérapie au manette, j'reste dans mon coin, j'y huit de la tête. Dès que je rentre dans la cabine, j'commence par 2-7. 2-7, une calage sur la Audi, sors les crocs, sors du zoo. J'mets les barres sur les T, j'transforme le rap en trap. Des amis surgissent du passé, j'ai du mal à faire le tri. Pour un frère il se fait passer, c'est un loup dans la bergerie. On va au sport, ensemble on va prier. Ensemble cheval de Troie, la jalousie le brûle comme de l'encens. Ils s'organisent pour que je clash des mecs que je connais pas. Allez tous vous faire enculer, c'est vous qui me connaissez pas. On t'a donné de la force, si tu dis non pour toi c'est mort. Personne va m'éteindre dans la street, personne va m'éteindre dans la zik. Ma technique est hardcore, ego trip, tu connais mes textes. Baisse tout, ils savent plus quoi faire, prennent un freestyle pour prétexte. Mais je tiens tête à l'heure, Dieu, y'a que devant Allah que je baisse les yeux. Pour m'arrêter, faudra me fumer, j'ai pas trahi, j'ai pas sucé. J'ai un gamos à 200k, je prends des vacances à 50k. Loin d'être fini, je déjoue même les prédictions des Incas. Ils auraient préféré que je suce et qu'on me jette comme une vieille chouin. Baisse leur maman, j'ai tout dit, le dozo vient de trop loin. Il faudra que je tienne le siège, repousser les marcheurs blancs, esquiver les pièges de Sevran à la zone d'embarquement jusqu'en 2018. Aujourd'hui en 2020, c'est que des commentaires et des tweets, c'est le prix de la réussite. Yo yo. Quand?